des Grieux, n'oppose aucune résistance pendant le trajet. Son frère fait part à leur père de cette heureuse soumission. Et, se voyant accueilli avec assez de douceur, le chevalier augure qu'il pourra bientôt s'échapper. On se mit à table pour souper. On me railla sur ma conquête d'Amiens et sur ma fuite avec cette fidèle maîtresse. Mon père me demanda d'abord si j'avais toujours eu la simplicité de croire que je fusse aimé de ma maîtresse. Je lui dis hardiment que j'en étais si sûr que rien ne pouvait m'en donner la moindre défiance. « Ah !» s'écria-t-il en riant de toute sa force. « Cela est excellent. Tu es une jolie dupe et j'aime à te voir dans ces sentiments-là. C'est grand dommage, mon pauvre chevalier, de te faire entrer dans l'ordre de Malte, puisque tu as tant de dispositions à faire un mari patient et commode. » Il ajouta mille railleries de cette force sur ce qu'il appelait ma sottise et ma crédulité. « Tu sauras donc, reprit mon père, puisque tu l'ignores, que M. de B a gagné le cœur de ta princesse. Il a su d'elle que tu es mon fils, et pour se délivrer de tes importunités, il m'a écrit le lieu de ta demeure et le désordre où tu vivais. Tu sais vaincre assez rapidement, chevalier, mais tu ne sais pas conserver tes conquêtes. » Je n'eus pas la force de soutenir plus longtemps un discours dont chaque mot m'avait percé le cœur. Comme je parlais toujours de retourner promptement à Paris, et que je me levais même à tout moment pour cela, mon père vit bien que dans le transport où j'étais, rien ne serait capable de m'arrêter. Il me conduisit dans une chambre haute où il laissa deux domestiques avec moi pour me garder à vue. Et je refusai la nourriture qu'on m'apporta.